On retrouve Raymond Poirier, comme chaque lundi, pour sa chronique technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, donc, un retour sur le rapport de la Banque mondiale publié mercredi dernier concernant les inégalités persistantes liées au développement du numérique dans le monde. Comme je le disais, on évoque souvent la fracture numérique déjà au Québec, mais là, au niveau mondial, ça doit être encore plus disparate, non? Exactement. En fait, ça prend des dimensions, disons, encore plus imposantes que ce qu'on connaît au Québec. Évidemment, le rapport s'inscrit, et eux-mêmes le disent, dans un contexte où les technologies connaissent une expansion qui est rapide. Partout, évidemment, mais leurs dividendes, donc les avantages plus larges qui devraient normalement être procurés par les technologies sur le plan du développement, ben dans bien des cas, selon la Banque mondiale, ça tarde à se concrétiser. Alors, ce qu'on dit, évidemment, c'est que les technologies numériques, donc on parle d'Internet, des téléphones mobiles, de tous les outils donc qui servent à recueillir, à stocker, à analyser, à partager des informations sous une forme numérique, eh bien, ça s'est répandu rapidement. Dans les pays en développement, les ménages qui possèdent un téléphone mobile sont plus nombreux que ceux qui ont accès à l'électricité ou à l'eau salubre. Il y a près de 70% des personnes qui appartiennent aux quintiles inférieurs de la population qui sont propriétaires donc d'un Internet, d'un téléphone portable. Donc, c'est extrêmement généralisé dans les pays en développement. Le nombre d'internautes, évidemment, avec cet outil-là, a plus que triplé en 10 ans et passé d'un milliard en 2005 à 3,2 milliards à la fin de 2015. Et les entreprises, les individus, les administrations, donc un peu tout le monde, est plus connecté que jamais. On parle donc d'une révolution. Je pense que c'est un terme qui revient d'ailleurs de temps à autre dans ce rapport-là. Un accès qui est plus aisé à l'information, à des moyens de communication, à des produits numériques, à des nouvelles formes de loisirs, à une nouvelle forme de cohésion sociale aussi, en favorisant à travers le numérique le rapprochement des communautés locales. Et en fait, ben, à travers ça, il y a évidemment la grande question à savoir, on revient avec ces dividendes-là, donc les avantages. Donc, il y a beaucoup d'exemples de réussite, il y a beaucoup d'effets positifs qui ont été ciblés, mais inversement, il y a aussi des effets peut-être un peu plus, sombres de ce côté-là, ou un peu plus incomplets à tout le moins, selon toujours la Banque mondiale. Les entreprises sont plus connectées que jamais, la productivité mondiale, par contre, elle a ralenti. Les technologies numériques transforment le monde du travail, mais le marché de l'emploi se polarise, et donc il y a de plus en plus d'inégalités qui se creusent dans un contexte où on remarque en plus qu'à peu près quoi 60% de la population mondiale qui n'a pas encore accès au web. 60%. 60%. C'est quand même énorme. Oui, encore en 2015, du coup, puisque le rapport donc mentionne 2015 seulement, c'est juste la période annuelle. Exactement. Et on pourrait s'attendre en fait à 3,2 milliards. On dit c'est énorme, c'est beaucoup. Ouais. Mais finalement, oui, c'est beaucoup, mais quand on y va avec la population globale, c'est pas tant que ça. Donc, finalement, on se retrouve avec cette fracture numérique-là quand même assez imposante. Évidemment, il y a des avantages aussi supposés qui étaient attendus, on parle, qui sont contrebalancés par des nouveaux risques. Donc, si je cite le rapport, on parle de pays avancés dans lesquels les marchés de l'emploi se polarisent les inégalités parce que la technologie développe des compétences élevées, remplace des fonctions routinières. Donc, si on peut dire, il y a beaucoup de travailleurs qui sont mis de côté par le système, remplacé par des tâches qui ne sont pas eux-mêmes en mesure d'accomplir parce que ça nécessite des compétences plus élevées que les leurs. Donc, il y a des inégalités qui se créent à travers ça. On ajoute aussi les aspects économiques de l'Internet qui favorisent certains monopoles naturels, l'absence d'un environnement économique concurrentiel qui peut amener une concentration des marchés qui va bénéficier à un certain type d'entreprise, mais pas à toutes. Donc, finalement, on se rend compte, en lisant le rapport de la Banque mondiale, qu'Internet semble bénéficier à court terme, à tout le moins, beaucoup plus les personnes plus instruites, mieux connectées, plus capables en termes de capacité d'usage, capacité monétaire et le reste. Donc, ça limite véritablement là, pour la Banque mondiale les retombées de cette révolution numérique-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des régions qui ont fait un progrès considérable dans leur connexion justement au numérique? Ben, ça varie des régions et en fait même à l'intérieur même des régions, il y a des disparités qui peuvent être assez importantes. On donne différents exemples de villes qui ont réussi à mettre en branle des économies numériques fortes, mais finalement, quand on analyse à la grandeur d'un pays, ben on se rend compte que, oui, dans telle région, il peut avoir un avantage, mais dans tel autre secteur, juste à côté, c'est la déglingue, il y a rien, il y a pratiquement pas d'accès. Mm-hmm. Donc, ce que le rapport met de l'avant, c'est la... l'importance de ces disparités-là, si on peut dire. Évidemment, à travers ça, on leur dit aussi, regardez, il faut essayer justement à court terme, puisque la question de l'accès, c'est la base. Enfin, on peut pas avoir une économie numérique si on n'a pas de numérique, si on n'a pas accès au web. Alors, on dit, ben regardez, il faut rendre accessible Internet à tous et le rendre aussi financièrement abordable. Donc, c'est une chose de pouvoir y aller. Encore faut-il pouvoir se le payer. Donc, l'Internet au sens large, on dit, s'est développé rapidement, mais demeure très peu universel. Pour chaque personne donc qui dispose d'une connexion à débit large, il y a 5 qui en sont privés, 4 milliards de personnes, je le rappelle, qui n'ont pas accès à l'Internet selon ce rapport-là. Et donc, la connexion de tous, c'est un des principaux objectifs de développement durable qui a été adopté par la Banque mondiale, mais ça reste un chantier qui est inachevé et qui, selon eux, peut être mené quand même à bien avec différentes mesures. On parle de concurrence sur le marché, de partenariat public-privé, d'une meilleure régulation de l'Internet. Et évidemment, à ça, on dit, ben regardez, oui, il faut rendre accès à web, mais on peut aussi avoir d'autres éléments en parallèle avec des réglementations, créer un cadre d'affaires dynamique, permettre aux entreprises d'exploiter des technologies numériques pour affronter la concurrence, pour innover. On parle des institutions qui peuvent utiliser Internet pour renforcer les moyens d'action des citoyens. Donc, plusieurs éléments comme ça qui peuvent permettre de, disons, faire fructifier le fait de donner accès. Donc, oui, donner accès, mais ensuite avoir des mesures pour encourager cet accès-là, développer cet accès-là, cultiver cet accès-là. Oui, donc c'est pas le tout d'avoir déjà l'accès qui existe. Il y a encore plein d'autres choses à faire par la suite. Et les pistes de solutions, est-ce que tu en as déjà abordé quelques-unes par rapport à ce rapport-là? Mais évidemment, en fait, il y a cette question-là de variété d'accès et disons, enrichir ces différents éléments. Évidemment, à travers ça, ben, il y a d'autres aussi pistes qui peuvent être lancées en réponse à différents risques sur lesquels on pourra revenir, évidemment. Mais par exemple, en fait, c'est l'idée de rendre l'Internet universel, abordable, ouvert et sûr. Donc, on parle des politiques en matière de technologie qui prévoient, évidemment, qui prévoyaient à tout le moins la concurrence sur le marché, la participation du privé et le reste. Mais dans le fond, on dit, regardez, ça peut marcher, mais dans la mesure où le politique est là, le politique vient appuyer ces mesures-là, ça va marcher, mais si le politique n'y est pas ou n'y est pas suffisamment, ben il y a des chances que ce soit un échec, qu'on se retrouve finalement avec un accaparement des organes de régulation, des privatisations mal conçues, une gestion inefficace du spectre technologique, du spectre numérique, du spectre des ondes, des taxations. Il faut quand même aussi assurer une sécurité aux gens. Donc, de trouver l'équilibre. Toujours le juste milieu. Ouais. Exactement, ce qui n'est pas nécessairement évident à trouver, évidemment, à travers ça. Mais on parle aussi de renforcer certains éléments liés à l'éducation. Oui, ben en fait, c'est clair qu'il y a la question de l'éducation qui est centrale dans la mesure où si on est incapable de rassembler les gens autour de cet outil-là, si les gens ne sont pas en mesure de bien l'utiliser, eh bien, nécessairement, ils risquent d'avoir un défi ou une accentuation, si on peut dire, de la fracture numérique. Alors, finalement, ben, ce qu'on dit dans ce rapport-là, c'est qu'il faut mettre en place des initiatives. Et je retrouve un peu pour bien les citer, là. Donc, dans le fond, on parle de développer de commencer tôt, en fait, à acquérir les compétences fondamentales. Donc, dans la mesure où c'est peut-être plus difficile de bien appréhender le web quand on est beaucoup plus âgé, qu'on a fonctionné avec d'autres types de systèmes. Donc, évidemment, plus on est en mesure d'introduire ça rapidement, mieux c'est. Donc, on dit, en fait, dans le rapport, carrément, le développement des compétences commence dès la naissance, poursuit toute la vie. Et donc, dans ce contexte-là, la technologie peut jouer un rôle dans le processus. On peut pas se limiter non plus, selon le rapport, avec des résultats simplement axés sur la distribution d'ordinateurs portables, la mise en disponibilité d'outils. Encore faut-il accompagner sur l'usage des outils. Donc, ce qu'on dit, simplement, si on rend disponible le matériel, les résultats sont mitigés. Mais par contre, si ils ont des vidéoconférences avec des conférenciers, s'ils ont accès à tout le moins, si on parle de zones éloignées, comme par exemple en Afrique ou dans les Philippines, ben des vidéoconférences autour des usages, autour des manières de faire, des outils comme le Khan Academy. Donc, pour utiliser ces outils-là comme support à un accès à l'éducation et pas comme une finalité en soi, eh ben c'est comme ça qu'on va maximiser, si on peut dire, le potentiel éducatif des technologies. Évidemment, dans ce contexte-là, ça amène aussi, la Banque mondiale a recommandé le fait de repenser les programmes et les méthodes d'enseignement pour préparer les élèves à mener une carrière et non pas à travailler, à simplement remplir un emploi. Donc, l'idée, dans le fond, de former, on revient un peu à la formule qui est utilisée parfois où on a l'idée de former des citoyens plutôt que des travailleurs. Mm-hmm. Mais c'est un peu ce qu'on dit dans des termes différents. Donc, quand on fait une carrière, c'est qu'on n'est pas nécessairement destiné toute sa vie à avoir exactement le même cadre d'emploi. On est dans un contexte où les technologies changent rapidement. Et donc, toute notre vie, on aura constamment à apprendre, à se mettre à jour, à être alerte aux changements qui se passent pour pouvoir persister dans un champ donné ou sinon pouvoir passer d'un champ donné à l'autre parce que, encore là, il y a des changements sociétaux qui s'amènent qu'on n'a pas nécessairement planifié. Donc, si on forme une personne à un emploi précis, à moins de pouvoir être certain que cet emploi-là va rester immuable dans le temps, à tout le moins pour une génération, mais sinon, nécessairement, faut penser donc l'éducation de manière beaucoup plus large. Donc, on revient peut-être un peu au concept de citoyenneté qui est amené dans certains éléments. À ça, évidemment, on dit aussi de développer des aptitudes technologiques avancées, d'encourager justement cette éducation permanente-là pour pouvoir permettre aux gens, d'un côté, de se former eux-mêmes, mais d'un autre côté, de comprendre aussi, sur le plan informatique, sur le plan du matériel, mais comment le matériel fonctionne. Donc, est-ce qu'on peut former les gens au codage? Est-ce qu'on peut former les gens au fonctionnement de ces outils technologiques-là? Donc, encore là, pour appuyer la notion d'auto-apprentissage ou d'apprentissage permanent, parce que évidemment, je peux apprendre sur mon emploi, mais comme mon emploi nécessairement implique l'usage d'un ordinateur, ne serait-ce que pour être au boulot, implique que je vais utiliser un téléphone intelligent, ne serait-ce que pour communiquer, et à l'intérieur de ça, évidemment, différents outils de communication, mais plus je suis en mesure de comprendre le code sur lequel ça se base, plus je suis en mesure de comprendre comment un ordinateur fonctionne, plus je vais être efficace. C'est la même chose, évidemment, pour une automobile, où on est beaucoup plus efficace pour comprendre des problèmes ou apprendre à conduire si on sait un peu comment les mécanismes de l'auto le font. Évidemment, on peut le faire sans le savoir, mais sinon, on a constamment recours à des experts pour finalement nous conseiller. Il faut pas que ça soit la même chose sur un domaine aussi incontournable que les outils numériques. Exactement. Et il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui ne peuvent pas passer à côté, même s'il y en a certains qui sont préservés à l'inverse de tout usage numérique dans leur champ de compétences. Mais ils risquent d'en avoir de moins en moins parce que dans le fond, on parle d'objets connectés sporadiquement, et plus on s'en va vers l'avenir, plus on parle d'informatique partout. Et il y en a déjà dans des endroits surprenants, et il y en aura dans des endroits toujours plus surprenants, si on peut dire. Oui, il n'y a pas de domaine qui va être épargné a priori. A priori, non. Alors, les défis pour 2016, est-ce que c'est quoi l'ouverture de ce rapport en conclusion? L'ouverture de ce rapport, c'est vraiment, une orientation forte des institutions, des gouvernements. On estime que c'est peut-être eux les premiers à devoir mettre en place des mesures pour ensuite entraîner la mouvance citoyenne avec eux. Donc, on parle, par exemple, de ces institutions-là qui sont responsables devant leurs citoyens pour favoriser cette transition-là, pour améliorer les services d'information, pour renforcer la prestation administrative, pour agrandir la collaboration démocratique dans la société, pour vraiment créer cette ouverture-là. Et en parallèle, redevable aussi auprès, évidemment, de la vie privée, mais auprès aussi de l'économie. Donc, pour intégrer le plus possible les citoyens du monde dans cette nouvelle économie-là qui est en train de se créer, qui est en train de devenir de plus en plus incontournable, pour en venir éventuellement à créer un marché numérique qui serait mondial aussi, avec des frontières repensées à l'échelle, finalement, aussi de ce nouveau médium. Alors, à suivre l'année prochaine, en 2017, début 2017, pour le rapport 2016. Donc, je le rappelle, rapport de la Banque mondiale, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur Internet, Raymond. Oui, en fait, banquemondiale.org, si on va voir le document au complet. Sinon, si vous n'avez pas envie de faire fouiller sur votre engin de recherche, je l'ai aussi mis sur facebook.com/itisul. Tout simplement. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça me fait plaisir. À lundi prochain pour une nouvelle chronique technologie d'information.